je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, vous commencez sans doute à comprendre puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est toujours un plaisir. Donc comme on l'exprime de podcast en podcast, le jeu, donc qu'il soit jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo, est un élément de la culture populaire au même titre que le cinéma ou la littérature. Si on a déjà évoqué plus ou moins sa critique ou son économie, parfois par petites touches, il reste un point commun qui ancre le jeu comme artefact culturel. Ce point, c'est l'adaptation. On est habitué à l'adaptation de livres ou de films, de livres en films et vice-versa. C'est quelque chose de commun et d'admis. Certains auteurs adaptent, voire réinterprètent des œuvres pour produire quelque chose d'hybride qui portera leur marque ou non. Le jeu et l'adaptation, 13e podcast de Ludologie, que nous allons passer donc en compagnie d'Olivier Roulier. Olivier donc a participé à la création de COPS chez Asmodée, mais a aussi eu une part importante dans l'adaptation des Chroniques des Féales sorties chez Sans Détour. Et la première question donc sera pour Manuel. On va commencer tout de suite avec des questions simples et légères, puisque c'est quand même un peu le principe du podcast. Olivier, c'est quoi le plus gros problème quand on essaye d'adapter une œuvre en jeu ? Alors, tu commences par les problèmes avant de... Ouais, c'est quoi la plus grosse difficulté ? La plus grosse difficulté, c'est de réussir à la fois à faire retrouver, en tout cas dans le jeu, toutes les qualités ou tout ce qui a fait aimer, soit en tant que lecteur ou en tant que spectateur, en tant que l'œuvre de départ, tout en l'emmenant ailleurs, tout en l'emmenant plus loin. C'est-à-dire pas rester terre à terre, parce que le livre ou le film, il existe déjà, et que le jeu, ça doit être autre chose, mais que si on n'y retrouve pas tout ce qui a pu déclencher à un moment le désir de l'adapter, justement, ça marche pas. Autant partir d'une idée originale ou de s'inspirer sans complètement adapter. Donc l'idée, c'est de réussir à être à la croisée de ces deux ambitions-là. Et alors, du coup, c'est quoi le plus gros avantage d'adapter une œuvre en jeu ? Le plus gros avantage, y en a deux. En tant que créateur ou auteur, un des premiers avantages, c'est de rebondir sur quelque chose qui a déjà nourri notre imaginaire et qui nous a interpellé quelque part et qui fait tout de suite ça a déclenché une idée, donc il y a quelque chose qui a déclenché une flamme. L'autre, mais là c'est un peu plus d'un point de vue marketing ou éditorial, c'est aussi d'espérer que cette adaptation elle puisse se faire rencontrer deux publics. Déjà un premier public qui est celui de l'œuvre originale, et puis ensuite un second public qui serait celui du jeu, de l'adaptation, en sachant que ces deux publics peuvent être plus ou moins communs, plus ou moins différents, et que dans l'absolu, on aimerait que les deux se nourrissent l'un l'autre, que l'adaptation nourrisse l'œuvre d'origine et que l'œuvre d'origine nourrisse l'adaptation. C'est intéressant, effectivement, on comprend facilement cette idée de marketing. Effectivement, on a un public qui paraît en tout cas captif. Mais du coup, quelle est la différence entre interprétation, inspiration et adaptation ? Je vais peut-être m'en tenir par exemple à une expérience perso sur l'adaptation de... des Chroniques des Féales. Alors, je prends tes trois points de vue. L'inspiration, dès qu'on conçoit des choses, on l'a en permanence. C'est pas à Manuel que je vais expliquer ça. Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, voire même ce qu'on écoute, alors que des fois l'inspiration peut pas être évidente, ça nous nourrit, ça nous inspire des choses, des images, des envies, donc ça c'est en permanence. L'adaptation c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'on a déjà un matériau de base, on a déjà un corpus, on a déjà un truc qui a déjà été travaillé. C'est pas non plus, on n'a pas une pure matière première, on a quelque chose qui existe déjà. Donc on a déjà un point de départ. Et ce point de départ, la première envie, c'est de qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le retrouve, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Alors sur les Chroniques des Féales, nous, notre grande chance, c'est que dans l'équipe de départ, il y avait Mathieu Gabory, il y avait l'auteur original de l'œuvre originale, qui a été contacté très rapidement par les trois premières personnes qui ont cru en ce projet. Et donc, quasiment dès les premières semaines, dès les premières esquisses, Mathieu Gabory était intégré dans l'équipe. Et il a énormément participé. Alors, il faut savoir que Mathieu Gabory, dans le domaine du jeu de rôle, il est représenté quelque chose. Ses premières œuvres publiées, ça a été du jeu de rôle, ça a été Ecrim. Qu'ensuite, il a beaucoup travaillé pour un éditeur qui est aujourd'hui disparu, mais qui s'appelait Multisim. Donc, il a participé à pas mal de gammes. Qu'ensuite, il a aussi participé à la propre adaptation de son ouvrage le plus célèbre, les Chroniques des Crépusculaires, donc à travers le jeu de rôle Agon, qui a été un gros succès. Et que même si lui-même ne joue plus au jeu de rôle, et il continue à s'y intéresser. Il s'est à s'y intéresser en tant qu'objet culturel, comme tu le disais au départ. Et qu'en plus, de son travail d'auteur, de romancier, il bosse pas mal pour le jeu vidéo. Donc c'est des problématiques qu'il connaît aussi. Il bosse pas mal. Il a pas mal bossé notamment sur toute la série des Might and Magic. Donc voilà, ça reste un joueur, même si le jeu de rôle est un peu loin, ça reste un joueur avec des problématiques de joueur et avec cette idée aussi de... cette conscience de ce que c'est qu'une adaptation. Donc il a tout ce background-là. Et quand il a été contacté par l'équipe de départ, alors je ne fais pas partie du tout premier noyau. Le tout premier noyau... donc qui ont constitué après le gros de l'équipe d'auteurs, c'est Jérôme Isnard et puis quelques autres personnes qui sont connues via Le Souffre-Jour, donc était un prosine dédié à Agon, donc déjà Mathieu Gabory, et qui avaient accroché donc sur les livres des Chroniques des Féales et qui ont trouvé qu'il y avait là matière à jeu de rôle. Et donc ils ont contacté Mathieu Gabory, qui a dit banco, et qui non seulement a dit banco, en plus a dit ok, je veux en être, et puis j'ai des propositions à faire. Donc le premier boulot, ça a été ça. Ça a été à la fois de reprendre l'œuvre originelle, et puis d'aller chercher tout ce qui dans l'œuvre originelle faisait jeu, tout ce qui avait de l'intérêt. Et puis après, à partir de ça, il y avait l'autre question qui est: Qu'est-ce qui va être le cœur de l'adaptation ? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'adaptation ? Parce que, alors là, je reprends un peu de recul, l'adaptation dans le domaine du jeu de rôle, l'adaptation d'œuvres littéraires ou d'œuvres sérielles ou d'œuvres filmées, elle existe depuis très très longtemps, depuis quasiment les débuts du jeu de rôle. Et que, à quelques exceptions près, c'est beaucoup moins vrai maintenant, parce qu'il y a quand même depuis 10-15 ans tout un travail sur le game design, sur ce qu'est un jeu, enfin... Mais que si on regarde des jeux comme Les Jeunes Royaumes, enfin le Elric, Stormbringer, si on regarde même des jeux comme Oakmoon ou des choses comme ça, enfin là, c'est deux œuvres de Moorcock qui sont un peu célèbres parce que ça a été des jeux qui ont été très joués en France dans les années 80-90. Ces jeux de rôle-là étaient avant tout pensés comme des adaptations de l'univers de jeu. Et c'était proposer un univers de jeu sans forcément faire une proposition de jeu. Troisième mot de ma question, donc c'était le mot interprétation, et j'y tiens parce que après je ne suis pas un rôliste, je le confesse, mais l'interprétation, en tout cas l'interprétation notamment du joueur, semblait quand même être la base du jeu de rôle. Et du coup, quelle serait la différence entre interprétation et adaptation ? Alors là, j'avoue que j'ai peut-être un peu de mal à faire la différence entre interprétation et adaptation, en sachant que bon, il y a l'adaptation qui est de porter un support, un univers, enfin un univers d'un support à un autre support, et il y a l'interprétation qui est de justement d'en faire quelque chose qui soit personnel, puis qui soit une vraie proposition. Et c'est pour ça que j'en viens à cette idée d'univers. L'idée dans les Féales, c'était pas simplement faire un jeu dans le monde, dans l'univers des Féales, mais de faire une proposition de jeu qui soit propre à l'expérience des Féals. Et là, pour le coup, comme il y avait aussi Mathieu dans l'équipe, que le projet d'adaptation est apparu, je pense, une dizaine d'années après l'apparition de ces bouquins, je n'ai plus les dates exactes, mais on ne doit pas en être très très loin, que lui avait, en plus, par rapport à cet univers-là, d'autres envies, d'autres idées, ou des choses qui avaient été en germe, mais qui n'avaient pas été explorées parce que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas le projet. Ou... Il est arrivé déjà avec, finalement, sa propre interprétation qui nous a insufflé, qui nous a proposé et qui correspondait à pas mal de choses. Ce qui fait que, par exemple, les Chroniques des Féals, et ce qui a peut-être surpris pas mal de gens, voire déçu pas mal de gens qui s'attendaient à un Agon 2, les Chroniques des Féals, c'est un jeu très sombre, un jeu avec une dimension horrifique très très présente, qui était déjà en germe dans le bouquin, mais qui est frontal dans le jeu. Frontal à tel point que la couverture, elle a pris à brousse-poil un certain nombre de joueurs. Je vais te reprendre sur cette histoire d'adaptation de jeu, parce qu'effectivement, tu citais un certain nombre de jeux qui ont été adaptés dans les années 80-90, où les mécaniques consistaient principalement à reprendre un système de résolution déjà existant, un système générique, et puis à l'utiliser dans un univers donné en faisant quelques adaptations. Tu as cité Elric, notamment, mais je pense qu'on peut avoir des choses assez similaires quand on regarde quelque chose comme l'Appel de Cthulhu, par exemple. Alors, par exemple, sur l'Appel de Cthulhu, je ne l'ai pas pris justement en exemple, parce que je ne suis pas forcément... Il y a quelques variations. Je pense que la proposition de jeu de l'Appel de Cthulhu, alors qui via le BRP, ça peut être un petit peu suranné, un peu obsolète. Le Basic Roleplaying System, qui est un système de jeu qui est de l'éditeur Chaosium, qui a servi de base à quelques grands succès du jeu, que sont l'Appel de Cthulhu, Stormbringer Elric, Hawkmoon, RunQuest aussi, enfin voilà. Ou même dans des variantes un peu plus bizarres, voilà. Pendragon qui appartient à la catégorie de ce qu'on appelle les systèmes génériques, donc des systèmes qu'on peut utiliser à moyennant quelques modifications très légères, qu'on peut utiliser avec à peu près n'importe quel type d'univers, théoriquement. Théoriquement. Mais c'est là où je dis que l'Appel de Cthulhu, je ne l'ai pas pris comme exemple, parce que même si, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir un côté un peu obsolète ou un peu bancal, maintenant qu'on a 30 ans de jeu et d'analyse de gameplay derrière nous, il y a quand même quelque chose de très fort dans la proposition de l'Appel de Cthulhu, ne serait-ce que cette idée de santé mentale qui maintenant, là aussi, est peut-être dépassée, et encore, on pourrait revenir dessus, mais... qui était quelque chose de très différent par rapport à ce qui existait à l'époque, dans le fait de proposer de jouer des investigateurs avec cette idée que bah, ton héros, il n'est pas très héroïque, enfin, ton personnage, il n'est pas tellement un héros, ou alors si, c'est un héros parce qu'il va se retrouver confronté à quelque chose de tellement énorme pour lui qu'il va finir fou ou mort. Donc il y avait quand même quelque chose qui était au-delà de l'idée de jouer dans le monde de Lovecraft, mais qui était de proposer quelque chose, une expérience de jeu qui finalement a créé aussi un style de jeu ou un genre qui n'est pas tout à fait et c'est pour ça qu'on voit apparaître tout un tas de, en plus maintenant que Lovecraft est tombé dans le domaine public, tout un tas d'autres jeux donc qui n'est pas forcément la pure adaptation de ce qui se passe dans les ouvrages de Lovecraft, mais qui est une proposition de jeu à part entière, qui n'est pas simplement on joue dans un univers où il y a les créatures du mythe de Cthulhu. Quoi. Bon alors je vais retirer ma légère avancée visiblement arrivée un peu trop tôt sur l'Appel de Cthulhu, mais en tout cas il y avait dans les années 90 cette idée de effectivement on peut prendre un système générique et puis faire tourner un univers donné avec. Ça a été le cas aussi, alors c'était peut-être plus dans les années 2000 si je dis pas de bêtises, avec le système GURPS qui a été utilisé pour faire tourner Hellboy. Tu dis des bêtises parce que GURPS c'était dans les années 2000. 90 aussi. Autant, GURPS mais Hellboy il me semblait que c'était arrivé assez tard. Hellboy ça doit dater de 95. D'accord, mais en tout cas il y a effectivement j'ai l'impression, une bascule qui se fait progressivement dans les années 2000, où on va aller chercher un système, une mécanique de jeu, un game design, qui va permettre de faire expérimenter aux joueurs quelque chose de propre à cet univers. Je ne sais pas si je suis très clair. Et je crois que c'était un peu une de vos problématiques, une de vos démarches. Comment est-ce qu'on explique à l'auteur d'un roman ou d'un film son game design avec l'idée que ce game design va émuler des histoires qui sont dans le genre de ce qu'il a écrit? Alors quand en face de nous, on a quelqu'un qui s'appelle Mathieu Gabory et qui fait déjà ce boulot de game design dans le domaine du jeu vidéo, qui a l'expérience du jeu de rôle et puis qui s'est posé ce genre de questions, c'est pas très compliqué de lui expliquer. Il avait déjà dans son dans ses envies et puis dans ce qui est né au fur et à mesure des conversations et des échanges Skype et des développements de jeux qui ont été assez longs. Hein. Il y avait déjà cette idée d'aller emmener quelque part. En tout cas, il y avait des pistes, il y avait des portes à ouvrir qui ne pouvaient pas forcément traduire en termes de gameplay propre au jeu, à celui du jeu de rôle parce que ce n'était plus son truc. Mais il y avait déjà ces envies-là. Après, il y a deux choses. Il y a, dans ce dont tu parles, il y a faire un jeu qui, dans ses mécaniques, dans ses règles, va faire retrouver des éléments qui sont propres à l'univers. Et puis, il y a faire un jeu qui, par sa mécanique, va faire vivre des expériences ou va faire jouer des choses qui sont ce qui fait l'univers. Enfin, va faire de sa proposition de jeu, justement, une interprétation de ce qu'il y a dans l'univers. Alors, après les Chroniques des Féales, on l'a fait chez un éditeur qui s'appelle Sans Détour, qui est un éditeur classique. Donc, on a... Et puis, à l'époque, on a créé le jeu. On avait, même si les uns les autres, on s'intéressait aussi à ce qu'ils faisaient dans le domaine de l'indie ou qu'on se posait des questions de game design, on n'a pas emmené trop justement le jeu du côté de l'indie. Par contre, il y avait des envies très très fortes. J'en reviens à cette idée de l'horreur. J'en reviens à l'idée de la métamorphose, de la transformation qui apparaît partout dans le jeu, aussi bien dans la description du monde que dans les règles. Il y avait cette proposition du jeu coopératif. Après, il y avait beaucoup de choses qu'on retrouve peu ou pas dans le jeu final, pour tout un tas de raisons, et qui sont pas forcément le sujet de l'émission, ou enfin, qui pourrait occuper un podcast sur le travail éditorial, le projet, enfin tout ça. Mais il y a des choses qui sont là très présentes, et qui sont là depuis le début du jeu. Il y a des choses qu'on a mis de côté, il y a des choses qu'on n'a pas su faire, ou qu'on n'a pas fait, pour là aussi, pour tout un tas de raisons, soit parce que on n'avait pas les compétences ou l'intelligence de le faire, soit parce que ça nous semblait trop extrême ou trop... Donc ce qu'on retrouve de l'univers dans le jeu, il y a un, ce qu'on y joue, c'est ça le principal, on y joue des mimétiques. Donc on y joue des gens qui se transforment peu à peu en une créature légendaire, un féal, donc qui sont ces créatures qui sont la licorne, les dragons, les phénix, les basiliques, donc les créatures de nos imaginaires, toujours un peu twistées, mais dont on a quand même une image assez claire. Il y a l'idée de jouer à la fin du monde. Alors ça, qui n'est pas forcément une idée qui transparaît dans les romans, mais qui était vraiment une idée... et de Mathieu et de l'équipe, mmh, de jouer là, mais réellement la fin du monde, moins 5 ans. Et d'ailleurs, le supplément qui est sorti, c'est une proposition de campagne pour faire jouer cette fin du monde et tenter, d'une manière ou d'une autre, de la retarder, de l'empêcher. Et puis, il y avait aussi alors, quelque chose... qui transparaît partout un peu dans le jeu, mais qui est pas du tout là pour le coup, qui est pas du tout, enfin qui est vraiment très implicite, mais qui a failli être beaucoup plus explicite à un moment, c'est le côté, à un moment on disait qu'on voulait faire un jeu psychanalytique, enfin ou c'est moi qui le disais peut-être, parce que il y a plein d'idées dans Féal qui tiennent de ça, les univers mentaux, le Féal qui est en les manifestations physiques, les transformations, le mimétisme, qui est un peu une projection de transformation plus profonde, le monde qui s'adapte aussi, enfin le mimétisme des Féals touche aussi bien la psyché que la faune, la flore, enfin à peu près tous les tenants du monde, la lutte contre le néant qui est même pas le mal, qui est juste la disparition de tout, les deux énergies qui sont présentes dans le jeu, que sont le fiel et l'onde, qui sont assez clairement la raison et la nature et la culture. Non, c'est plutôt Apollon et Dionysos, voilà le cette dualité qui est pareil, qui n'est qui est pas de l'ordre du bien du mal, qui est même pas de l'ordre du, de la loi et du chaos, même si on trouve un petit peu plus de d'éléments de comparaison, mais ouais, l'instinct, la culture, plus l'instinct, la raison. Mmh. Voilà, donc ils sont là aussi des choses un peu psychanalytiques. Donc à un moment on en parlait un peu en rigolant, on n'est pas non plus le projet c'était pas non plus de faire un jeu de rôle freudien ou un jeu de rôle jungien, mais ça fait partie du vocabulaire qu'on pouvait utiliser même pour rire, et qui d'une manière ou d'une autre on nourrit le jeu à un moment. Après voilà, qu'on le retrouve ou pas, que ce soit évident ou pas, ou ce serait à chaque lecteur de le dire, parce que tu parlais d'interprétation, mais il y a cette troisième strate là aussi, hein, qui est que quand on propose un jeu de rôle, c'est pas une œuvre finie. Enfin, c'est une boîte à outils, ou c'est un manuel, mais là aussi, chaque meneur, chaque table, chaque joueur va se faire sa petite proposition dans sa tête, donc ou autour de sa table quand tout se passe bien. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est important. Si je posais cette question-là aussi, et sans me lancer dans des grandes révélations sur ta vie, c'est parce que je sais qu'à une époque, tu as travaillé dans le jeu de société, et que pour le coup, dans le jeu de société, la question se pose de façon d'autant plus aiguë quand j'adapte une œuvre. Typiquement, si je fais, prenons un exemple complètement hypothétique, un jeu de société Game of Thrones, comment je me positionne au niveau du gameplay pour faire ressentir quelque chose qui ressemble à du Game of Thrones et pas juste à un Monopoly. J'imagine que c'est des choses, peut-être pas sur lesquelles tu as travaillé, mais auxquelles tu as été confronté quand tu as été dans le milieu du jeu de société. Oui, alors... Dans le jeu de société, les gens ils sont plus habitués à ce qu'un jeu leur fasse une proposition et pas forcément à pouvoir... Enfin, en gros, ils sont plus habitués à ce qu'on leur propose un plat et pas forcément un menu. Alors que dans le jeu de rôle, même si là aussi, il y a des choses qui changent, il y a quand même pas mal de joueurs et de meneurs et d'éditeurs qui ont envie qu'on leur propose un jeu qui ressemble à un menu. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça va être... c'est pas non plus le livre de cuisine 60 recettes pour faire à manger différemment tous les jours. Voilà, ça peut être un menu qui correspond à je continue mon analogie, à un restaurant particulier, à un type de cuisine particulier. Donc là, en l'occurrence, de l'heroic fantasy horrifique avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a plein de choses pour lesquelles il y a des choses qu'on a abandonnées en chemin et qui fait que le jeu est peut-être plus large que ce qu'il aurait pu être à un moment. Là aussi, je parle des faits. C'est vrai que par exemple, quand on... déjà, il existe plusieurs jeux de société dans l'univers de Game of Thrones. Mais quand, j'imagine, Fantasy Flight Games, si je dis pas de bêtises, c'est eux qu'ont sorti le premier jeu, celui qui doit être toujours le plus connu, avant qu'il y ait un jeu de cartes, avant qu'il y ait un jeu de bataille, avant qu'il y ait ce genre de choses. Ils se sont dit, c'est quoi Game of Thrones ? C'est des maisons nobles qui s'affrontent. Et par rapport à d'autres jeux de stratégie ou d'autres jeux d'affrontement... type risque, pour prendre le grand exemple ou le grand-père un peu encombrant de ce type de jeu, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est que c'est pas forcément les armées qui vont prendre le devant, mais ça va être aussi la ruse et les alliances. C'est le fait qu'il y ait une menace et là qu'il y a au background du jeu, mais qu'on doit retrouver dans le jeu, qui est au-delà du mur, il va se passer des choses, et que donc à un moment les joueurs ils vont se poser des questions par rapport à ça. Voilà, c'est ce genre de choses. Finalement, on essaye de dégager un peu, avant de développer le game design dans ce cadre précis, les axiomes du jeu pour en construire ensuite une logique de jeu. C'est ça, c'est ce que je disais que dans... les axiomes de l'œuvre. Et de justement, ouais. je rebondis là-dessus, c'était un peu ma question que je gardais de côté. C'était justement sur... parce qu'on parle des axiomes. On remarque que dans les bouquins, il y a des narrations linéaires. Axiome, c'est un truc de la cellule, là, en fait, ou... S'ils nous écoutent, d'ailleurs, on leur dit bonjour aux amis de la cellule. Donc effectivement, dans les bouquins, on est habitué aux narrations linéaires. Parfois, il y a des narrations plurielles. En Game of Thrones, par exemple, on suit le point de vue de plusieurs personnes. Mais on retrouve aussi ça dans les jeux. Jeux vidéo, par exemple, où on peut jouer plusieurs personnages, etc. Et au final, je me demande si c'est pas la même écriture, si on n'écrit pas de la même manière un jeu de rôle, par exemple, je dis jeu de rôle, mais ça peut être l'histoire d'un jeu vidéo ou peut-être d'un jeu de société. Est-ce qu'on n'écrit pas de la même manière un jeu qu'une œuvre ? Alors clairement non. Après, ou clairement on ne devrait pas, si ça n'est pas si évident que ça. Il y a des tropismes en jeu quand même, notamment je pense au jeu de rôle parce qu'on l'a cité depuis le début. Il y a des lieux communs auxquels il est difficile d'échapper quand on écrit et qu'on est forcément obligé de prendre en compte en tant qu'auteur. Je pense à un des lieux communs les plus communs du jeu de rôle, qui est le groupe de PJ, de personnages joueurs, puisque chaque joueur a un personnage joueur, et raisonnablement et globalement, et dans la plupart des jeux, ces personnages fonctionnent en groupe, ensemble, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'histoire solitaire, par exemple. C'est là où c'est compliqué, où finalement, le jeu de rôle n'a pas grand-chose à voir avec... Alors, il va prendre plein de trucs, mais n'a pas grand-chose à voir avec la narration traditionnelle, alors que le jeu vidéo peut, alors que... Parce que... On a quand même cette idée du groupe de PJ qui fonctionne ensemble et qui forme presque une instance à part entière. Toute cette dimension polyphonique qui peut exister, on les retrouve maintenant dans les séries, effectivement, dans certains jeux vidéo, même si moi je connais moins le domaine, mais ou la narration dont tu parles dans The Game of Thrones, c'est plusieurs points de vue de personnages différents qui vont des fois se croiser, mais en tout cas, chacun a sa focale. Les jeux qui vont proposer cette approche-là sont assez rares et restent dans des franges que certains considèrent même ne plus être du jeu de rôle. L'optique de base, quand même, c'est d'avoir un groupe qui coopère, qui a peut-être des objectifs contradictoires, mais qui, d'une manière ou d'une autre, va coopérer. Et c'est assez rare... dans différentes œuvres, même si voilà, on pourrait prendre la plus emblématique, c'est la communauté de l'anneau, c'est de là que vient aussi le jeu de rôle. Finalement, elle explose dès le premier bouquin, la communauté de l'anneau. Donc après, il y a des mini groupes, chacun a des ambitions très différentes. Mais cette idée du groupe de PJ, c'est quand même très très propre au jeu de rôle. Et nous, on a essayé de prendre cet aspect-là en compte, justement, dans Féal, par l'idée que les joueurs n'étaient pas ensemble par hasard. Bon, c'est pas nouveau, hein, y a plein d'autres jeux qui l'ont proposé aussi, mais qui partageaient des choses, notamment qui partageaient un univers mental, qui partageaient quasiment... par certains aspects, une psyché commune ou des... On en revient, voilà. Ah oui, non, mais c'est là, hein. C'était, voilà, c'est en germe, ça, tout n'a pas éclos, mais c'était là, c'est des petites choses qu'on a mis en terre quand même. Par l'idée que, bah, comme c'est la fin du monde, de toute manière, si on ne serre pas les coudes un minimum, même si on est destiné en tant que personnage à devenir assez puissant, enfin, il y a ce double aspect-là dans Féal, c'est-à-dire que on est à la fois face à la fin du monde, mais en même temps, on est censé pouvoir aussi ne pas faire qu'y assister, pouvoir changer un peu les choses. Donc tout ça, c'était présent dès le départ. L'idée d'avoir quand même un groupe qui va œuvrer en commun, qui a des raisons d'œuvrer en commun, et puis qui, pour le coup, a même une sacrée raison, parce que c'est que voilà, tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'ils aiment va disparaître. Donc s'ils veulent pouvoir n'en sauvegarder que des bribes, il va falloir aller au-delà de ces différences, qui sont parfois très très marquées. Enfin, c'est aussi assez fréquent dans le jeu de rôle, l'idée d'avoir des personnages que tout devrait opposer parce que les cultures se sont construites comme ça, parce que l'idée du groupe un peu hétéroclite, mais qui va être quand même obligé d'aller dans un objectif commun, ça je pense qu'on le retrouve quand même pas mal dans Féal. Mais on le retrouve dans d'autres œuvres, je pense par exemple Walking Dead, voilà, des personnages que tout oppose, on les retrouve dans des... Voilà, tant qu'en face il y a une opposition qui les force... c'est peut-être ça. Je vais proposer deux axes de réflexion à Olivier, mon camarade Manuel. Ça va être sur l'histoire dont vous êtes le héros, Parce que là, en fait, on est vraiment sur une œuvre qui peut être littéraire, effectivement, en quelque sorte, mais qui est aussi un jeu. Il y a ça. Et sur un podcast précédent, on évoquait avec Manuel les narrations exploratoires, je crois. Manuel me corrigera et reprécisera peut-être ce qu'il entendait par là. Et voilà, justement, est-il possible d'adapter ces jeux en œuvre plus classique, dirons-nous, en dehors du jeu ? Tu veux dire faire un peu l'équivalent de ce qu'on appelle la novélisation dans d'autres cadres, c'est-à-dire la novélisation, c'est quand on adapte par exemple un film en roman, mais là du coup avoir une adaptation qui part du jeu de rôle et qui va vers la littérature plus traditionnelle. Alors ça existe, hein. Ça existe, je pense qu'Olivier va pouvoir nous en parler un petit peu, effectivement c'est à peu près aussi vieux que le jeu de rôle qu'on ait des romans tirés de jeux de rôle, pour le coup des adaptations dans l'autre sens, je pense à tout hasard comme ça à la saga Dragonlance. Ah, c'est la saga Dragonlance, elle a été prévue, enfin elle a été envisagée dès le départ comme justement transmédia, comme on dirait chez nos amis de feu Multisim. C'est-à-dire que les romans ont été conçus en même temps que l'univers, le jeu a été conçu en même temps que les romans par derrière les mêmes personnes, hein, Margaret Weiss et Tracy Hickman qui portaient ce projet-là chez TSR. Et que ce qui fait que ça a bien fonctionné, c'est que comme c'est sorti en même temps, ça se répondait l'un l'autre. Mmh. Et finalement, la Dragonlance, au-delà d'un univers, c'est une série d'une douzaine, enfin je ne sais plus exactement, de modules, enfin de scénarios, qui proposent de rejouer en même temps que la sortie des romans, avec les personnages des romans, ce qui se passait dans les romans. On se mettre un peu, et ben voilà, moi, à la place de Riesling, Caramon, comment j'aurais géré ça ? En sachant que ça a aussi les limites de son âge et du jeu qui fait que la liberté d'aller bien au-delà des romans était peut-être pas si grande que ça. Oui, parce qu'effectivement, là aussi, ça dépend des tables. Le joueur devait connaître le personnage préalable. Voilà, mais il y avait une partie de ce plaisir-là. Après. Là, j'ai l'impression que finalement, ça tient un peu du domaine de la fanfiction aussi. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre qu'on aime et on a envie de continuer à transposer des choses ou à vivre des choses, ou que ce soit par l'intermédiaire d'une histoire qu'on écrit avec des personnages. Est-ce que le jeu de rôle, dans un jeu basé sur un roman, une série de films ou autre, est-ce que ça aussi, ça tient pas un peu de la fanfiction ? Si, quand je disais que ça tient aussi de la fanfiction, c'est que finalement, il y a de ça aussi. C'est-à-dire que si, au départ, il y a une envie. Il y a une envie de continuer dans cet univers où il y a des trucs qu'on y retrouve. On dit, putain, ça serait super autour d'une table de jeu de rôle. Dans les Féales, c'était l'idée justement de ces personnages qui se transforment, du côté un peu crade qu'il y avait aussi, un mimétique. Quand il a plus vraiment un nez, mais une espèce de bec que ses mains se transforment en cerf, et qui perd ses cheveux et qu'il a des plumes qui transpercent à travers la peau. Voilà, il y a un truc, c'est très visuel, il y a des images qui dérangent un peu. Donc il y avait cette et en même temps, y a une aura qui va avec, il y a une stature, et puis il va se transformer en. Il va se transformer en un putain de griffon, quoi. Donc il y a quand même quelque chose d'assez horrifique et excitant en même temps. Donc cette envie, elle était là. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'en reviens à Féal, mais le noyau dur, ou tous ceux qui avaient envie, voilà, qui ont porté l'idée de l'adaptation, c'était plus lié à des choses qu'on trouvait justement en germe dans l'univers, des idées de monde, et qui semblaient déjà être des idées de gameplay. Alors ça, on pourrait revenir dessus, mais c'est finalement pas très étonnant vu la manière dont Gabory envisage plus que au personnage ou à l'histoire qui est racontée dans les Féales, que moi j'aime beaucoup, mais qui est finalement assez classique, et avec un personnage principal qui est relativement détestable, à tel point que l'auteur le déteste aussi et le fait quasiment pas apparaître dans le troisième tome. Donc voilà, c'est moins lié à un personnage que vraiment à ce qui apparaît dans le monde. Et donc je disais, c'est pas étonnant quand on sait comment fonctionne Mathieu Gaborit. C'est vrai que finalement son imaginaire, il s'est aussi nourri du jeu de rôle puisqu'il a beaucoup joué quand il était plus jeune, et qu'il a, avant même d'imaginer une histoire, il va déjà imaginer la philosophie, l'écologie du monde, et puis il va surtout imaginer comment fonctionne la magie au sens large, hein, comme dans un monde de fantasy, la magie c'est la physique en fait, c'est les grandes lois de ce monde, et il va déjà commencer à imaginer ça. À créer des règles qui ne sont pas des règles lancer un des 10 et, si ça fait plus que ça, mais qui sont des règles réellement, des règles de fonctionnement, qui sont des règles comme pour être la gravité pour notre monde, ou voilà, des choses comme ça. Et donc, comme Mathieu, il a déjà cette démarche-là, c'est vrai que forcément, quand on lit ses bouquins, le désir de créer des jeux à partir de ça, est quasiment naturel. D'où le fait que sur ces différentes séries de romans, y a déjà 3 jeux de rôle adaptés de ses œuvres. Et il a lui-même produit une série de romans adaptés d'un jeu de rôle qu'il a écrit. Je pense à Bohème qui est adapté de Écrime. C'est ça, il y avait Écrime, le jeu de rôle d'abord, avant qu'il ait écrit les romans, qu'il a rechangé plusieurs fois, qui vont redevenir un jeu de rôle, puisque j'ai vu sur le net que voilà, il y avait une équipe qui devait ressortir ça chez Matago dans les mois à venir. Je vais reprendre l'idée de fanfiction qui me plaît bien, et pour sortir, je pense que quasiment à chaque podcast, on a un exemple what the fuckesque. On va pas pouvoir parler de Candy Crush du tout, je suis extrêmement déçu. Je sais, ça va être compliqué, mais j'ai un exemple what the fuckesque, et comment, c'est Fifty Shades of Grey, qui est donc une réinterprétation de Twilight. C'est vrai que c'est une fanfiction. Alors, pour le coup, c'est quelque chose que je sais, mais je vois pas le rapport, et deux, j'ai pas trop cherché, n'ayant lu ni l'un ni l'autre, et ayant tout juste vu les adaptations filmées, en tout cas du premier Twilight. Qui n'est pas un mauvais film. Le premier, en tout cas. Il y a une très bonne, bande son. Ouais. Revenons à notre podcast, donc sur l'adaptation d'œuvres en jeu et inversement, de jeux en autre œuvre. Et c'est en fait, est-ce qu'on a justement des exemples de mécaniques, de fondements profonds comme ça, qui ont été réinterprétés d'une manière totalement étrange, comme c'est le cas par exemple sur Fifty Shades of Grey, qui en fait raconte ni plus ni moins que l'histoire d'amour qu'on peut lire dans Twilight. De manière structurelle, en fait. Je ne suis pas du tout certain d'avoir compris ta question. En fait, tu reprends ton exemple What the Fuckesque pour dire l'adaptation finalement de Twilight, qui s'appelle Fifty Shades of Grey, c'est de ne partir que sur cette espèce de relation bizarre entre une relation de domination et le vampire qui brille, hein, de relation de domination, d'amour, désir, qui va devoir s'exprimer dans autre chose que le sexe ou le romantisme, mais d'accord. J'ai compris ta question, mais je ne sais pas comment dire. J'ai bien une ou deux idées. Moi, j'aurais pensé à un jeu qui s'appelle Paladin, qui est un jeu dont j'ai complètement oublié le nom, Clinton Nixon. Qui est un jeu où on joue censément des chevaliers qui combattent des sorcières dans un monde noir, médiéval, un petit peu fantastique, horrifique. Et fondamentalement, quand on regarde Paladin et la façon dont c'est fait, on se dit que c'est une adaptation de Star Wars et qu'on joue des Jedi qui essayent de ne pas devenir des Sith. D'ailleurs, on peut parfaitement jouer du Star Wars en jouant que des Jedi avec Paladin, et ça marche très bien parce que les problématiques sont les mêmes. Parce qu'on est un paladin, on a un certain nombre de super-pouvoirs, on a un certain nombre d'interdits, on peut transgresser ces interdits, ça va plus vite, c'est plus fort, c'est plus rapide, c'est plus séduisant. Mais par contre, à la fin, on risque de changer de côté. Et on est tout le temps à souffrir de ces contradictions. Et réellement, il y a quelques jeux comme ça, je crois. Alors, il faut les chercher parce que c'est pas évident. C'est jamais évident, mais si on creusait un peu dans le domaine du jeu de rôle, des jeux conçus en réaction à ou sur une insuffisance ou un manque de quelque chose, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Toute la forge est née justement forge, de ce principe on va faire un peu d'explication de texte. La Forge, c'est un forum de créateurs de jeux de rôle, en l'occurrence majoritairement américains, qui est désormais fermé, qui a été à l'origine de toute la vague indépendante, un peu exploratoire du jeu de rôle, qui a été recherché des vieux mécanismes pour les utiliser différemment, qui a été essayé d'inventer des nouveaux mécanismes pour produire de nouveaux styles d'histoire, qui s'est posé des questions du type est-ce qu'on peut faire de la comédie romantique en jeu de rôle, ce genre de choses, et donc voilà, qui a au sens d'un certain nombre de personnes fait pas mal avancer le schmilblick, au sens de certains autres je pense que le gros, si on voulait vraiment simplifier à gros traits l'idée de la Forge, c'est de se poser la question de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que quand je fais une proposition de jeu de rôle, est-ce que je propose des règles pour jouer dans un univers, ou est-ce que je propose des règles pour jouer un type d'histoire? Il y a la question du genre, il y a la question du... si on en revient à Paladin, il est sans doute fort probable que Paladin soit issu de parties réussies ou pas, d'ailleurs, ou de frustration, j'en sais rien. Enfin, j'ai rien lu autour de la jeunesse de Paladin, mais de cette envie, en tout cas, de mettre au cœur du jeu, au cœur de la proposition de jeu, le côté obscur, j'y succombe ou j'y succombe pas. Là où toutes les adaptations de Star Wars étaient basées sur l'idée de je joue dans l'univers de Star Wars, dans l'univers étendu et le plus étendu possible, et voilà. Et c'est là où on se dit que finalement la Forge a gagné, mais quand on voit que FFG sort trois jeux avec justement à chaque fois une optique de jeu très différente, jouer des rebelles, jouer des Jedi et jouer des contrebandiers qui se débrouillent. Alors même si on va pas aussi loin que Paladin, et on retrouve finalement les personnages iconiques de Star Wars, mais s'il y a un peu cette idée-là. Et je pense qu'il y en a pas mal. Je sais que par exemple. Parce que Jérôme Larrey l'a écrit ou l'a dit sur plusieurs choses, que Tenga est aussi en grande partie lié d'expériences réussies et frustrantes, ou des années de jeu à la fois plaisantes et frustrantes, de Bushido. C'est ce qu'il nous disait effectivement sur le dernier podcast qu'on a enregistré. Ouais. Je vais reprendre un des termes, alors je me permets de dériver très très légèrement, je vais reprendre un des termes que tu as utilisé dans ta réponse, tu as parlé d'univers étendu. On touche à des choses assez intéressantes, notamment en jeu de rôle, mais je pense que c'est des choses qu'on retrouve aussi en jeu vidéo, beaucoup moins probablement en jeu de société, qui est que quand on adapte une œuvre en jeu, et en jeu qui produit de l'histoire, c'est vrai pour le jeu vidéo ou le jeu de rôle, on l'élargit, on y rajoute des choses qui n'étaient pas dans l'œuvre originelle. Finalement, les deux défis, c'est d'un côté trouver un gameplay, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi d'ouvrir le jeu et d'apporter quelque chose que n'avait pas mis l'auteur originellement dans le jeu, sans forcément dénaturer son propos. Ça doit quand même être un... Enfin, il y a un peu de défi là-dedans. Bah, là aussi, si je parle de mon expérience personnelle sur Féal, comme il y avait Mathieu Gabory à l'origine... Non, mais on a compris que Mathieu Gabory a tout fait sur Féal. On non, voit bien. Il n'a pas tout fait, mais il a été force de proposition, comme... pour reprendre un élément de langage qui ressort. Mais est-ce que c'est pas dur, justement, de dire non à un auteur? Non. Je n'ai pas envie que le jeu aille dans ce sens-là. Alors que c'est son univers. En l'occurrence, non. Ok. Non, mais après, voilà. Il aurait eu des propositions complètement débiles. Oh, d'ailleurs, il en a eu quelques-unes, je ne me rappelle plus maintenant, mais il y a eu des choses auxquelles on a dit non. Mais la plupart des propositions, elles emmenaient le jeu dans des directions pas inattendues, mais voilà, on est ailleurs, il y a un truc en tout cas qui était excitant. L'idée d'en faire un jeu horrifique... sur le moment, ça correspondait aussi à toute cette dimension un peu bizarre de la transformation. Il y avait quelque chose. L'idée de mettre le néant qui n'apparaît pas dans les bouquins, ou peut-être qu'on devine trois lignes dans les trois dernières lignes, et d'en faire le méchant principal, enfin l'ennemi, parce que c'est pas un méchant, d'en faire le gros problème, quoi. L'opposition, l'hostilité principale est au cœur du jeu, et donc d'apporter derrière toute une cosmogonie et. C'était vraiment une excellente idée. Et puis même dans l'idée principale, alors je sais plus si elle vient de lui ou mais celle qu'on. Alors là c'est pareil, finalement c'est un peu changé dans le jeu de base, mais l'idée de jouer que des mimétiques, c'est-à-dire que des gens qui vont se transformer et pas simplement des gens qui pourraient être un chevalier ou un magicien, j'en sais rien, dans un univers où il y a des mimétiques, mais non, des gens qui se transforment petit à petit et dont les pouvoirs et la puissance va changer en fonction de cette transformation et finalement de cette perte d'humanité aussi, là aussi elle était hyper excitante, donc on dit bah ouais c'est génial. On y va. Et puis il y a aussi du développement assez prosaïque, le développement des peuples, qui pour le coup n'a pas été fait systématiquement par Mathieu Gaboury, même s'il a donné les axiomes. Mais du coup, quand dans le jeu, et en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises, Chronique des Féales, on est vraiment dans le jeu encyclopédie, c'est-à-dire qu'on va décrire de façon extensive l'univers. Et dans cette description, qui est présente dans le jeu presque plus que dans les livres, finalement, on prend le temps de décrire tout un tas de peuples, leurs traditions, leur fonctionnement. Là, on est effectivement toujours un peu dans la fanfiction, quelque part, mais en même temps, il faut réussir à garder... Qu'est-ce qu'on garde de l'auteur ? On garde ses axiomes ? On essaye de reproduire son style d'écriture ? Comment on travaille ? Non, son style d'écriture... J'allais spontanément dire non, et puis finalement on est obligé de retrouver des choses. On reproche parfois un côté un peu empoulé à Mathieu Gaboury qu'on retrouve peut-être dans le jeu. Et pourtant, il ne me semble pas que ni le jeu, ni même Mathieu, encore moins Mathieu, ne soient des gens empoulés ou arrogants. Mais bon, la préface a pu jouer un peu contre ça. L'avant-propos. Non, il faut pas donner dans le pastiche. Je pense qu'à chaque fois qu'on donne dans le pastiche, c'est raté. Dans Féal, il y a des trucs qui sont plus ou moins réussis, y compris des choses que je regrette après dans ce que j'ai fait, parce que c'est un projet collectif, donc j'étais pas le seul. Je pense que par contre dans Agon, j'en ai vu beaucoup plus, et ce qui fait que autant j'adore les crépusculaires, autant je ne supporte pas Agon. Parce que Gaboury c'est bien, les gaborismes c'est pas terrible. Et je pense que justement, comme dès le départ il y avait envie d'emmener le jeu ailleurs, ça a permis aussi d'éviter d'être trop dans du Gaboury. Après ça dépend. Voilà. Dans la description des peuples. Là, on parlait au tout début d'émission d'interprétation. Chacun fait son interprétation du peuple, en sachant qu'en plus, il y a des fois eu des interprétations différentes parce que certains peuples sont passés entre les mains de plusieurs auteurs et que finalement, celui qui a écrit le texte final n'est pas nécessairement celui... Alors, il y a des phénomènes qui sont assez présents, qui est qu'à un moment, chacun va tirer un peu la couverture. Ça devient son peuple fétiche, donc ça devient le peuple le plus fort de l'univers. Et... Donc, il a fallu des fois se mettre d'accord. D'autant qu'en plus, voilà, derrière les peuples, derrière les mimétis, il y avait l'idée de pouvoir qu'on pouvait développer. Il y a un moment, non, mais t'es gentil, mais ça va pas être possible, parce qu'il peut pas tout faire non plus, hein, parce que sinon, il n'y a pas besoin d'avoir les autres peuples, on décrit que celui-ci. Donc au bout du compte, ce qui fait qu'il y a des choses, moi je m'y retrouve pas forcément dans tous les peuples qui sont décrits. Il y en a que j'aime moins que d'autres, il y en a que j'aurais pas du tout écrit comme ça, et c'est dommage. Il y en a que j'aurais pas du tout écrit, et tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Et je pense que pour les autres auteurs, voire pour d'autres meneurs, ça doit être complètement différent. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est-à-dire que à partir d'un point de départ, à partir de d'envie partagée, à partir de d'idées amorcées, il y a eu un jeu. Et à un moment, on s'est dit d'accord, c'est-à-dire là c'est bien, mais qui aurait pu être différent. Et donc là, pour le coup, on est dans cette dimension interprétative qui est que l'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on veut jouer, pourquoi est-ce qu'on veut en faire un jeu et pas pourquoi on veut pas en faire un deuxième bouquin, ou pourquoi est-ce qu'on veut pas en faire simplement de la fanfiction sur internet, qu'est-ce qui justifie d'en faire un jeu, donc qu'est-ce qui justifie de le passer à un autre support, et un support qui est vraiment différent, c'est-à-dire pas simplement le mettre en image ou parce que c'est des questions de narration, mais finalement on a quand même l'idée de raconter une histoire. Le jeu de rôle, c'est pas raconter une histoire, un bouquin de jeu de rôle, c'est pas raconter une histoire. Même une partie de jeu de rôle, c'est pas raconter une histoire, mais bon, c'est, enfin, à mon sens. Mais là aussi, c'est pas le sujet du podcast. Donc l'adaptation, c'était ce travail-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans l'œuvre de base, j'ai envie de l'emmener vers un support jeu. Et après l'interprétation, c'est qu'est-ce qui déjà écrit des fois une ligne, des fois un mot, des fois rien du tout, simplement un nom. Qu'est-ce que je vais en faire pour que ça prenne autant de place que le reste, ou en tout cas que ce soit pas anecdotique ou inintéressant. Et là, chacun a porté avec ses envies, son imaginaire, et donc ce qui fait la richesse du jeu au final. J'ai une question qui me vient à l'esprit, puisque on a beaucoup parlé de l'adaptation. Quels sont les éléments qui ont été potentiellement impossibles à adapter ? Il doit y en avoir. Impossible, je sais pas. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées, ou qu'il a fallu. Si on reprend l'idée qui est vraiment au cœur de Féal, l'idée des mimétismes, au bout du compte, les mimétiques, ils sont, enfin les Féals, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, si on prend un dragon, où ils sont censés y en avoir moins d'une dizaine restant dans le monde, et qui sont des espèces de bestiaux énormes, surpuissants, et si on prend les basiliques, qui ressemblent plus à une espèce d'alien miniature. Voilà, donc il y a une idée. Il y a une idée lointaine d'équilibrage qui fait qu'on est obligé de trouver des stratagèmes ou des choses pour pas se retrouver dans un jeu asymétrique, même si finalement un jeu comme Scales nous a montré que c'était totalement possible et que le jeu était pas inintéressant, voire même si on prend pas un jeu. Je pense que dans la campagne de J.R.R. Tolkien sur Le Seigneur des Anneaux, le personnage qui jouait Sam Sagas est clairement moins puissant que celui qui jouait Gandalf. Et je pense pourtant qu'il a pris autant de plaisir à jouer cette campagne et qu'il s'est même sans doute des fois à certains moments un peu plus mis en avant que celui qui jouait Gandalf. Donc des éléments... Des éléments impossibles Non. Non, ouais, Non, je dis ça parce qu'en fait... Tu penses à quelque chose par rapport à d'autres choses, mais... quelque chose. En fait, je me suis dit... en tout cas, je vois une œuvre littéraire qui me paraît impossible à adapter en jeu, parce qu'elle-même, sans doute, est un jeu. C'est La Disparition. Parce qu'en fait, on est dans l'exercice de style, dans le méta, en fait, justement, où l'auteur a décidé de jouer avec les règles. Que bah, du coup, c'est impossible à adapter en jeu, quoi. Ben, pour le coup, alors, je crois pas que tout soit adaptable, surtout en jeu. L'idée, c'est peut-être. Pourquoi ? C'est qu'est-ce qu'on va en faire du jeu ? En quoi la disparition pourrait provoquer un désir de jeu ? Effectivement, c'est déjà un jeu en lui-même, mais après, des jeux littéraires, il y en a énormément. Est-ce que le fait d'enlever tous les « e » de son lexique et de son... Est-ce que ça fait une œuvre d'un point de vue littéraire plus forte qu'une autre, j'en sais rien. Est-ce que ça fait en soi une œuvre intéressante? Moi, je suis pas très fan de l'Oulipo et de ce genre de jeu. Il y en a d'autres que je trouve admirables, mais ça c'est pas trop mon truc. Après, baser un jeu plus largement pas que sur des règles de l'Oulipo, de celles qui étaient dans la disparition, mais de celle que justement pouvait utiliser l'Oulipo, pourquoi pas ? D'ailleurs, ça a été fait. Il y a un jeu qui s'appelle Loubapo, qui a été fait par les mecs de l'association. Comment créer des espèces de mini de mini strip avec des bandes aléatoires, des jeux basés sur d'autres jeux littéraires de type Cadavreski voilà, je vois aussi leur utilisation en jeu. C'est juste l'idée de qu'est-ce qu'on ferait on enlève les E, qu'est-ce que ça changerait dans notre expérience de jeu ? Est-ce que c'est vraiment un jeu ou pas ? Est-ce que c'est simplement un jeu littéraire ? Donc là, je sais pas. Puis c'est aussi une façon de choisir les transversalités, Adrien, parce que par exemple, dans le cas spécifique de la disparition, on fait disparaître une lettre. Moi, je vois tout de suite une façon de l'adapter en jeu, et ce sera effectivement pas du jeu de rôle, c'est de prendre un Scrabble et d'enlever les E. Il est malin. Hein. C'est trop d'honneur, merci. Après, non, mais en fait, moi j'étais en train de penser carrément à autre chose. Je me dis, mais si, finalement, un jeu de rôle dans les disparitions, c'est bien. C'est pourquoi les E ont disparu et où est-ce qu'ils sont allés ? Donc, menons l'enquête sur où sont allés les E. Finalement, il faut finalement, regarder les plateformes et on voit bien que l'approche n'est pas... Il faut juste effectivement trouver un biais qui a l'air un minimum sexy. Quoi. Moi, on arrive tranquillement sur notre heure de podcast. Tu as tendance à faire des réponses complètes. Donc, il est possible que ce soit une des dernières questions de podcast. Sinon, on en trouvera d'autres sans difficulté. Non, mais je peux faire des réponses courtes aussi. Hein. Juste de proposer. C'est pas nécessaire. Alors, c'est vrai en règle générale dans le jeu de rôle. C'est d'autant plus vrai dans les Chroniques des Féals, puisque, comme je disais, c'est pas seulement un jeu de rôle. Il y a vraiment une idée d'encyclopédie, quasiment. C'est richement illustré. Et là, du coup, on a aussi tout un travail avec un illustrateur qui lui-même va commencer à interpréter un univers qui est un univers de mots, de romans, pour en sortir des images. Est-ce que le travail de l'illustrateur peut avoir une influence sur le travail du game designer ? Alors, il pourrait, dans un monde idéal, ce serait bien. Je pense que pour certains jeux, ça existe, parce qu'il y a aussi pas mal d'illustrateurs qui sont à l'origine de jeux. Sur les féales, non. Sur les féales, quelque part, des fois, j'aurais aimé qu'on puisse revenir et refaire un lifting, ou une fois que les illustrations, pour tout un tas de raisons, c'était pas possible. Et puis à un moment, il faut aussi se rendre compte que même d'un point de vue économique, ça devient juste aberrant de passer tellement de temps pour un jeu qui va se vendre à 2000 exemplaires et dont les uns et les autres vont gagner 200 euros. Mais oui, alors après, sur Féal, l'avantage, c'est que Nicolas Fructus est toujours un ami de Mathieu Gabory, qui l'avait vraiment accroché à l'univers, que ça correspondait en plus à ce qu'il avait envie de faire, ce côté organique, le côté fantasy par Cronenberg, le côté horrifique aussi. Ça l'emmenait dans des directions graphiques qu'il n'avait pas forcément explorées ou donc qu'il avait envie de faire. Et ça a enrichi le bouquin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de jeu d'aller-retour. Qu'aurait pu être chouette. Je pose cette question-là parce qu'Adrien le disait en tout début de podcast, tu as travaillé chez Rackham sur la gamme Confrontation. Pour le coup, si j'ai bien compris, tu as écrit notamment des éléments d'univers pour enrichir un certain nombre une partie du matériel de jeu. Comment ça se passait chez Rackham, par exemple, entre la conception des figurines et la conception des noms, des caractéristiques techniques, des capacités des personnages? Chez Rackham, c'était très clair. On fabriquait des figurines et derrière, il fallait bien qu'il y ait un jeu. Donc là, on était vraiment dans l'illustrateur d'abord et le gameplay après. Totalement. C'est l'illustrateur qui imposait ces choses. S'il y avait un illustrateur qui avait un concept qui plaisait au patron de Rackham, il fallait l'incorporer d'une manière ou d'une autre. C'était moins vrai sur la fin de Rackham, quand ça s'est un peu plus structuré, mais derrière Rackham, il y a quand même la vision d'un type ou les envies d'un type qui était jambé, qui a imposé sa marque et voilà, qui était blindé d'idées et qui a fait que Rackham a été ce qu'il a été. Voilà, ça s'est terminé malheureusement, mais comme plein d'aventures. Mais en tout cas, si Rackham a été si important, c'était parce qu'il y avait la vision de Jambé d'abord. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'était d'abord des figurines. Donc l'illustrateur et les sculpteurs avaient une place importante. Et nous, on récupérait les illustrations pour en faire quelque chose. Là où en plus c'était particulier, c'est qu'au départ, moi, quand j'étais engagé chez Rackham, c'était pour écrire ce qu'on appelle du fluff. Enfin, du contenu de l'encyclopédie. C'est pas non plus hors sujet. Fluff crunch, cette distinction, elle vient du hobby, enfin des gens qui jouent au jeu Games Workshop, qui est que le crunch, c'est les règles, c'est le truc technique en dur pour pouvoir jouer à Warhammer 40 000 ou Warhammer, et le fluff, c'est tout l'univers qu'il y a derrière. En sachant que c'est pas si clair que ça, la différence entre les deux, justement. Voilà. Au départ, moi, j'étais engagé pour faire du fluff parce que j'étais engagé pour écrire des nouvelles ou du contenu pour aller sur le site internet. Une chose pour que les gens aillent, c'était il y a déjà quelques années, mais avec des gens pour que les gens aillent sur le site de Rackham, me suivent et qui, voilà, créent un côté un peu communautaire. Ce qui, après, ça n'a pas été que mon travail, mais en tout cas, au départ, c'était vraiment là-dessus. Et donc au départ, c'était un peu, on a une gamme, il y a des personnages, tu choisis, mais je prends cette figurine et puis j'écris une histoire sur cette figurine. Et puis je prends cette figurine et j'écris une histoire sur cette figurine. Les premiers trucs que j'ai écrits, c'était ça. Sur une table avec deux figurines entre chaque main en disant « Allez, prince machin !» Non mais voilà, après, il y avait pas mal de mon boulot, ça a été aussi de faire en sorte que les cartes aient le signage adéquat. Donc là aussi, on était purement dans du fluff, c'est-à-dire que sur une petite carte, il y avait, je ne sais plus, à peu près 3000 signes, je crois, enfin 1500, et que c'était moins joli quand des fois il n'y avait que deux lignes, parce que le pouvoir de la carte, c'était juste qu'il acquérait la compétence temps. Donc pour que ce soit un peu plus cohérent, et il fallait rajouter une... Donc effectivement, c'était quelque chose qui venait en deçà, mais qui n'était pas forcément nécessaire au jeu, et qui n'était pas à l'origine du jeu. Mais ce qui veut dire... Ce qui veut dire que le parcours créatif, c'était illustration, game design, contenu narratif. C'est forcément plus compliqué que ça. Parce qu'il y avait quand même une bible de poser, il y avait des choses qui étaient là, et puis cette bible, elle s'enrichissait. Et au bout d'un moment, quand tu as créé du fluff, Il faut une cohérence. Il peut aussi partir de l'autre côté. Ce qui fait que, par exemple, à un moment, certains personnages que j'ai inventés pour les nouvelles, ou pour des articles, pour des choses comme ça, sont devenus des figurines derrière. On dit, celle-ci, elle plaît, elle existe, ou il nous faut un personnage comme ça. Il y a un personnage qui correspond, qui est déjà apparu, on va l'appeler comme ça. Il a été illustré parce qu'il a fallu une illustration. L'illustration a plu, on va en faire une figurine. Donc c'est là où forcément, c'est beaucoup plus poreux et qu'il y a quand même des allers-retours entre tout le staff créatif. Mais c'est vrai que chez Rackham, ça fonctionnait comme ça. Pas tout le temps. On parlait de Mathieu Gabory puisqu'on parlait de Féal. Mathieu Gabory, il a été engagé par Rackham pour écrire deux bouquins. Et au départ, c'est vraiment du projet de commande, c'était on va sortir cette figurine-là, on va sortir un nouveau peuple, t'écris un bouquin sur la figurine qui sera livrée avec ton bouquin. C'était un livret qui accompagnait la figurine, en fait. C'était du méga bonus. Le premier, c'était un elfe, c'était le premier Sinwal, donc derrière. Et finalement, dans son bouquin, Gabory, il a aussi créé, en quelque sorte, la Bible ou le... il a imposé des marques, des termes, parce qu'il est très fort pour inventer des noms, pour nommer les choses. Et il a clairement posé sa marque sur ce qu'ont été d'abord les Sinwal, puis ensuite les Ophidiens. Mais à l'origine, c'était tu écris un bouquin sur cette figurine, voilà, t'as le dessin, et voilà ce qu'on sait, parce que si, parce que ça. Et t'inventes une histoire, tu inventes des éléments, mais ce sera. Voilà. Ça doit être basé là-dessus. Comme tu le décris, ça a l'air extrêmement étouffant d'avoir tant de contraintes, de filtres pour la création. Alors, j'ai tendance à penser que la contrainte, ça nourrit la création plutôt que autre chose. Quand tu as des contraintes, tu as rarement l'angoisse de la page blanche. En plus, quand tu es salarié d'une boîte pour écrire et inventer des choses, tu dis pas non, mon âme d'artiste ne s'y retrouve pas, mon âme de créateur ne s'y retrouve pas dans ce que tu me proposes. Ah, effectivement, je vais le refuser. Sur quelques contraintes formelles, je peux comprendre, mais sur une Bible, après que ça passe par autant de personnes qui. Oui et non, ça crée des frustrations et puis. Mais non, en tout cas, et puis là on vendait des figurines et on vendait un jeu, on vendait pas les nouvelles d'Olivier Roulier, donc je pense que j'ai participé à cette aventure là, j'espère enrichi le jeu, mais c'était pas grâce à moi que le jeu a été à un moment un succès, donc à un moment faut aussi savoir être à sa place et dire comment est-ce que je peux le servir au mieux. Tout en faisant en sorte que ce soit intéressant pour moi. Mais c'était pas une création totalement personnelle. Mais il y avait des trucs très très chouettes. Enfin, je reviens à Rackham. Il y a eu certains des projets les plus bizarres. Essai d'illustration d'un type qui était dans la boîte depuis le début, qui maintenant illustre pas mal de choses. Enfin, il s'appelle Edouard Guiton, il bosse, celui qui fait les couvertures pour Zombicide, qui a été un gros succès du jeu de plateau. Et donc, était aussi un ami de Jean Bell, patron de Rackham. Qui avait un style, un imaginaire bien à lui, et puis qui a en plus, parce qu'il était dès le début du projet, avait aussi sans doute une certaine liberté de... Et il y a des choses qu'il a amenées. Par exemple, je sais qu'on a travaillé sur une boîte d'armée, donc c'était une petite dizaine de figurines liées à un des peuples, autour des mines Nord, où il est arrivé avec ce concept de personnages autour du jeu d'échecs. Et une fois que tu as ces personnages-là, c'est un boulevard derrière pour inventer des règles, des sortilèges, un truc qui va avec, quoi. T'as le roi, la reine, le fou, la tour, ça marche super bien. Pareil, quand Paolo Parente a dû faire une illustration et qu'on voyait un gros Wolfen avec un fusil et qu'on dit ce sera la boîte de clan Wolfen, d'accord, et il va falloir trouver pourquoi celui-ci il a un putain de gros fusil alors que c'est censé être des Amérindiens, pourquoi lui est en armure, enfin pourquoi toute cette boîte de clan Wolfen, il n'y en a aucun qui ressemble à ce que fait normalement les types dans cette armée donc c'est là encore c'est des contraintes ou des plus que des contraintes, c'est des... À nouveau, il y a des déclencheurs d'envie là-dedans. C'est des déclencheurs, voilà, exactement. C'est des... comment dire ? C'est des amorces, ouais. C'est des trucs, et il faut faire avec ça. Et plutôt que de dire, c'est pas un boulet, c'est pas un truc qui tombe dessus, c'est plutôt un tremplin. Tiens, je m'appuie, je pars de là pour aller quelque part, quoi, pour aller ailleurs. On a passé depuis quelques minutes l'heure de podcast, Olivier. Ça nous a permis d'ouvrir pas mal le regard. Je pense qu'on pourra voir d'un œil neuf, découvrir ou redécouvrir les Chroniques des Féales si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire. Si vous en trouvez un exemplaire, ce sera l'occasion effectivement d'y porter ce regard-là. De même pour les contenus, s'ils sont encore trouvables, les contenus proposés par Akam. Et puis globalement, de vous poser vous-même la question de bon, alors, cette adaptation, qu'est-ce qu'elle a de spécifique en tant qu'adaptation et pas seulement en tant que réplique de l'œuvre originelle. Ça nous a permis de dégager pas mal de choses sur ces questions-là. Merci beaucoup. De rien. Et puis je vais laisser à Adrien la dernière question qui est la question traditionnelle de ludologie, parce que je sais qu'il adore la poser. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi, j'étais au cinéma. Adaptation, je ne sais pas. Si la question de fin, c'est en ce moment, à quoi tu joues ? En ce moment, je joue à Summer Camp, un jeu d'un sombre inconnu. Un jeu en gestation par notre invité podcasteur, par notre hôte podcasteur Manuel, alors, promis, qui savait très bien à quoi je jouais en ce moment. Promis, c'est pas de l'auto-promo. Qui en profite honteusement pour faire de la pub déguisée. C'est vil. Alors, j'ai rien à vendre. Le jeu est encore en conception, mais promis, c'était pas de l'auto-promo. Cela dit, est-ce que tu fais un peu de jeux de société aussi, ce genre de choses ? Assez peu, en dehors de mes 20 parties en ligne de Vinci permanente, non, pas trop. Si, j'ai fait une partie de Fort comme un dragon il y a environ une heure et demie, mais à moins d'avoir des enfants de 5 ans, je doute que les auditeurs le connaissent. Et pourquoi pas, après tout, on a le droit d'avoir des enfants aussi. Et puis c'est un jeu. Eh ben, merci beaucoup Olivier. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro. Alors là, je vous avoue qu'on a des pistes, mais c'est beaucoup plus flou que les derniers numéros en termes d'enregistrement. En tout cas, on doit commencer, si notre planning est juste, à se rapprocher dangereusement du festival rennais de culture vidéoludique, le Stunfest, sur lequel nous comptons bien être présents pour enregistrer quelques podcasts. Si vous-même vous êtes sur Rennes en cette fin du mois de mai, n'hésitez pas à nous faire signe, on sera ravis de vous rencontrer. En tout état de cause, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À nouveau, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à pratiquer un maximum de jeux, que ce soit des adaptations ou pas.